Martin Guerre, quatrième partie. Les magistrats se rassemblèrent dans la grande chambre du Parlement et l'accusé fut introduit. Ce fut d'abord à Pierre qu'il eut affaire. Il montra un front calme en sa présence et il le laissa parler sans s'émouvoir. Puis, prenant le ton de l'indignation, il l'accabla de reproches, rappela sa cupidité, son avarice, ses serments de vengeance, les séductions qu'il avait exercées sur l'esprit de Bertrande, les manœuvres secrètes employées par lui pour parvenir à ses fins et l'acharnement inouï qu'il avait mis à recruter contre lui des témoins, des accusateurs et des calomniateurs. Il mit Pierre au défi de prouver qu'il n'était pas Martin Guerre, son neveu, puisqu'il l'avait reconnu et embrassé devant tout le monde, et que ses soupçons si tardifs ne dataient que du jour de leur violente querelle. Enfin, le langage de l'accusé eut tant de force et de véhémence que Pierre se sentit troublé et ne sut que répondre. Cette entrevue tourna tout entière à l'avantage de l'accusé. Il domina son adversaire de toute la hauteur de l'innocence, injustement attaqué, et celui-ci parut déconcerté comme un calomniateur. Quand il se trouva en présence de Bertrande, ce fut une scène bien différente. La pauvre femme, pâle, abattue, amaigrie par tant de chagrin, s'avança devant le tribunal en chancelant et parut près de s'évanouir. Elle essaya pourtant de rappeler sa force, mais dès qu'elle aperçut l'accusé, elle baissa la vue et se couvrit le visage de ses deux mains. Il s'approcha d'elle, et de l'accent le plus doux, il la conjura de ne pas persister dans une accusation qui devait le perdre, de ne point se venger ainsi des torts qu'il pouvait avoir envers elle, quoiqu'il n'eût à se reprocher aucune faute sérieuse. Bertrande tressaillit et murmura tout bas « Et Rose ?»« Ah !» s'écria l'accusé, frappé de cette révélation. Et prenant sur le champ son parti, il s'adressa au juge. « Messieurs, cette femme est jalouse. Déjà, quand je l'ai quittée il y a 10 ans, ses soupçons avaient éclaté. Ce fut la cause de mon exil volontaire. Aujourd'hui, elle m'accuse de relations coupables avec la même personne. Je ne les nie, ni ne les avoue. Mais j'affirme que c'est la jalousie, cette passion aveugle, qui, avec l'aide des suggestions de mon oncle, a guidé la main de Bertrande lorsqu'elle a signé ma dénonciation. » Bertrande ne répondit rien. « Oseriez-vous, dit-il en se tournant vers elle, oseriez-vous jurer devant Dieu que ce n'est pas la jalousie qui vous a inspiré la pensée de me perdre? Et vous, répliqua-t-elle, oseriez-vous jurer que je ne me trompais dans mes soupçons? Vous le voyez, messieurs, s'écria l'accusé avec un air de triomphe. La passion se fait jour jusque sous vos yeux. Que je sois coupable ou non de la faute qu'elle me reproche, ce n'est pas la question que vous avez à juger. Il en est une autre qui s'agite dans vos consciences, c'est de savoir si vous pouvez admettre le témoignage de cette femme qui, après m'avoir publiquement reconnue, après m'avoir accueillie dans ma maison, après avoir vécu plus de 2 ans en parfaite intelligence avec moi, a cru dans un jour de colère et de vengeance pouvoir démentir toutes ses paroles, toutes ses actions. « Ah, Bertrande, ajouta-t-il, s'il ne s'agissait que de ma vie, je crois que je vous pardonnerai un égarement dont l'amour est à la fois la cause et l'excuse. Mais vous êtes mère, songez-y. Mon supplice retomberait sur ma pauvre fille, qui a eu le malheur de naître depuis que je vous ai revue, et que vous condamnez par avance à maudire l'union qui lui a donné l'être. Songez-y, Bertrande, vous répondrez devant Dieu de ce que vous allez faire. » La pauvre femme tomba à genoux en sanglotant. « Et maintenant, reprit-il avec solennité, je vous adjure, vous, Bertrande de Rolles, ma femme, de prêter serment ici, sur le Christ, que je suis un imposteur et un faussaire. » On apporta l'image du Christ sous les yeux de Bertrande. Elle fit un mouvement pour la repousser, voulut parler, s'écria faiblement « Non !» et tomba évanouie. On l'emporta hors de la salle. Cette scène avait fortement ébranlé la conscience des magistrats. On ne pouvait supposer à un imposteur, quel qu'il fût, assez d'audace et de présence d'esprit pour se jouer ainsi de tout ce qu'il y a de plus sacré. On entama une nouvelle enquête qui, au lieu d'éclairer les esprits, les replongea dans une obscurité toujours croissante. Sur 30 témoins qui furent entendus, plus des trois quarts s'accordaient pour constater l'identité de Martin Guerre avec celui qui avait pris ce nom. Jamais perplexité plus grande ne fut causée par des apparences plus extraordinaires. Cette extrême ressemblance déjouait tous les raisonnements. Aux gens qui connaissaient Arnaud Dutille, d'autres opposaient des assertions directement contraires. Il entendait à peine la langue basque, disait-on, quoiqu'il fût né en Biscaye. Quoi d'étonnant à cela, puisqu'il avait quitté son pays à l'âge de 3 ans. Il était malhabile à la lutte et à l'escrime, mais s'étant déshabitué de ses exercices, il pouvait les avoir oubliés. Le cordonnier qui le chaussait autrefois n'avait pas reconnu sa mesure, mais cet homme pouvait s'être trompé jadis ou se tromper maintenant. L'accusé se défendait encore en retraçant les circonstances de sa première entrevue avec Bertrande, lorsqu'il l'avait retrouvée, les 1000 détails qu'il lui avait rappelés, et que lui seul pouvait savoir, les lettres qu'il avait en sa possession, sans que personne pût expliquer ce fait s'il n'était pas Martin Guerre. Comment se serait-il trouvé blessé au sourcil gauche et à la jambe comme l'absent avait dû l'être? Comment la vieille domestique de la maison, comment tant d'autres auxquels il avait cité tant de faits connus de lui seul, comment tout le village enfin l'avait-il reconnu? Et cette liaison même que Bertrande avait cru deviner et à propos de laquelle avait éclaté son emportement jaloux, cette liaison, si elle existait, ne serait-elle pas une nouvelle preuve à l'appui du dire de l'accusé, puisque la personne qui en était l'objet, aussi intéressée et aussi pénétrante comme maîtresse que l'autre comme épouse légitime, l'avait reconnue pour son ancien amant? N'était-ce pas là un faisceau de preuves d'où la lumière devait jaillir? Que l'on suppose un imposteur arrivant pour la première fois dans un lieu où tous les habitants lui sont inconnus, qu'il lui prenne la coupable fantaisie de se représenter un homme, qui y aura demeuré, qui aura eu des liaisons de toutes sortes, qui aura joué son rôle dans 1000 scènes diverses, qui aura livré ses secrets, ses pensées à des parents, des amis, à des gens indifférents, des gens de toute espèce, qui aura une femme, c'est-à-dire une personne sous les yeux de laquelle il passe presque toute sa vie, une personne qu'il étudie continuellement, avec laquelle il multiplie ses conversations à l'infini sur tous les sujets et sur tous les tons imaginables. Comment cet imposteur pourrait-il soutenir un jour son personnage sans que sa mémoire soit en défaut? De l'impossibilité physique et morale de jouer un pareil rôle, il fallait bien conclure que l'accusé, qui avait persisté pendant plus de 2 ans, était le véritable Martin Guerre. Il n'y avait pas, en effet, d'autre raison qui pût rendre compte d'une pareille tentative suivie de succès, à moins qu'on articulât contre lui une accusation de magie. Il fut un instant question de le livrer à l'officialité, mais il fallait réunir des preuves, et les magistrats hésitèrent. C'est un principe d'équité devenu une maxime de droit que dans l'incertitude, le doute profite à l'accusé. Mais à l'époque dont nous parlons, ces vérités étaient loin d'être reconnues. Le crime se présumait plutôt que l'innocence, et la torture, instituée pour arracher des aveux à ceux que l'on ne pouvait convaincre autrement, ne pouvait s'expliquer que par la conviction des juges sur la culpabilité de leurs justifiables, car il ne serait venu à l'idée de personne de faire subir des peines à un homme qui pouvait être innocent. Cependant, malgré ce préjugé qui s'est conservé jusqu'à nous par quelques organes du ministère public habituellement disposés à voir un coupable dans un homme soupçonné, malgré ce préjugé, disons-nous, les juges de Martin Guerre n'osèrent ni le condamner eux-mêmes comme faussaire, ni faire intervenir l'Église au procès. Dans ce conflit de témoignages opposés qui semblait révéler la vérité pour l'obscurcir ensuite, dans ce chaos de raisonnements et de conjectures qui ne faisait briller les éclairs que pour les éteindre dans les ténèbres, l'intérêt de la famille prévalut. La bonne foi de Bertrande, l'avenir des enfants, parurent des motifs suffisants pour ne procéder qu'avec une extrême précaution, et cette possession acquise ne devait être sacrifiée qu'à l'évidence. Aussi, le Parlement ajourna-t-il la cause, toute chose demeurant en état, en ordonnant un plus ample informé. Pendant ce délai, l'accusé, dont répondirent plusieurs de ses parents et amis, fut laissé libre dans l'enceinte du village d'Artigues, quoique ses démarches fussent continuellement surveillées. Bertrande le revit donc auprès d'elle, dans l'intérieur de leur ménage, comme si aucun soupçon ne se fût jamais élevé sur la légitimité de leur union. Quelle pensée devait occuper son âme pendant ces longs tête-à-tête ? Elle avait accusé cet homme d'imposture, et maintenant, malgré la conviction secrète qu'elle avait acquise, il fallait qu'elle affectât de ne conserver aucun soupçon, qu'elle feignît de s'être abusée, qu'elle s'humiliât devant l'imposteur pour obtenir le pardon de sa folle démarche. Cette conduite était dictée par l'abjuration publique qu'elle avait faite de ses soupçons en refusant de prêter serment. Elle devait désormais, pour soutenir son rôle et pour sauver l'honneur de ses enfants, traiter cet homme comme son mari, se montrer avec lui soumise et repentante et lui témoigner une confiance entière. C'était le seul moyen de le réhabiliter et d'endormir la vigilance de la justice. Qui sait ce que souffrait la veuve de Martin Guerre dans cet effort continuel ? C'était un secret entre elle et Dieu. Mais elle regardait sa fille, elle pensait au terme de sa délivrance, qui ne paraissait pas éloignée, et elle reprenait courage. Un soir, à la tombée de la nuit, elle était assise auprès de lui dans la partie la plus reculée du jardin. Sa fille jouait sur ses genoux, tandis que l'aventurier, préoccupé par quelques sombres pensées, caressait par distraction la tête blonde du jeune Sanxi. Tous deux se taisaient, car, au fond du cœur, ils savaient bien ce qu'ils devaient penser l'un de l'autre, et ne pouvant plus prendre le ton de la familiarité, n'osant pas non plus affecter trop de réserve, ils passaient ensemble, lorsqu'ils étaient sans témoins, de longues heures mornes et muettes. Tout à coup, un grand bruit interrompit le silence de leur retraite. C'étaient les exclamations de plusieurs personnes, des cris de surprise mêlés à des accents de colère. On entendit des pas précipités, la porte du jardin s'ouvrit avec fracas, et la vieille Marguerite parut à l'entrée, pâle, haletante, respirant à peine. Bertrande, étonnée, courut au-devant d'elle. Son mari la suivit, mais quand ils furent assez près pour l'interroger, elle ne put répondre que par des sons inarticulés, en leur montrant d'un air effrayé la cour de la maison. Tous deux regardèrent dans cette direction et virent un homme debout sur le seuil. Ils s'approchèrent. Cet homme fit un pas pour se placer entre eux. Il était de grande taille, brun, ses vêtements étaient déchirés, il avait une jambe de bois. Sa physionomie était sévère. Il attacha un regard sombre sur Bertrande. Elle poussa un cri et tomba à la renverse. Elle avait reconnu son mari. Arnaud Dutille demeura comme pétrifié. Pendant que Marguerite, éperdue elle-même, tâchait de rappeler sa maîtresse à la vie, les voisins, attirés par le bruit, envahirent la maison et s'arrêtèrent stupéfaits à la vue d'une ressemblance si frappante. C'étaient les mêmes traits, la même taille et le même air. Et c'était en quelque sorte un seul être en deux personnes. Tous deux s'entre-regardèrent avec épouvante. Il était impossible que dans ce siècle superstitieux, l'idée de la sorcellerie et d'une intervention infernale ne vint pas à l'esprit des assistants. Ils se signèrent tous, s'imaginant à chaque instant voir le feu du ciel tomber sur l'un de ces deux hommes ou la terre s'engloutir sous ses pas. Il n'en fut rien, cependant. Mais la justice avertie les saisit tous deux pour éclaircir ce mystère étrange. L'homme à la jambe de bois, interrogé par les juges, raconta qu'il venait d'Espagne, où le soin de sa guérison d'abord, puis le manque d'argent, l'avait retenu jusqu'alors. Il avait fait le voyage à pied, presque en mendiant. Il donna à son départ d'Artigues les mêmes raisons que l'autre Martin Guerre avait déjà alléguées. Une querelle de ménage au sujet d'un soupçon jaloux, l'envie de voir du pays et une certaine humeur aventureuse. Il était revenu au lieu de sa naissance en Biscaye. De là, il était passé au service du cardinal de Burgos. Puis le frère du cardinal l'avait emmené à la guerre et il avait servi dans les troupes espagnoles. À la bataille de Saint-Quentin, un coup d'arquebuse lui avait fracassé la jambe. Jusque-là, son récit était entièrement conforme à celui que les juges avaient déjà entendu dans la bouche du premier accusé. Mais voici où il différait. Martin Guerre ajouta qu'ayant été transporté dans une chambre par un homme dont il avait à peine distingué les traits, il avait cru mourir et qu'il s'était passé plusieurs heures dont il ne pouvait se rendre compte, sans doute à cause de la fièvre qui embrasait son cerveau en délire. Il sentit ensuite une effroyable douleur et quand il revint à lui, on lui avait coupé la jambe blessée. Il resta longtemps entre la vie et la mort, mais il fut soigné par des paysans qui l'arrachèrent à un trépas presque certain. Sa convalescence fut longue. Il s'aperçut que, depuis le moment où il était tombé sur le champ de bataille, jusqu'à celui où il se sentit revivre, les papiers qu'il portait sur lui avaient disparu, mais il ne pouvait accuser de cette soustraction les hôtes qui lui avaient prodigué des soins si généreux. Après son rétablissement, privé de toute ressource, il avait attendu l'occasion de rentrer en France pour revoir sa femme et son fils. Il avait enduré toutes sortes de privations, bravé toutes sortes de fatigues, et enfin, exténué, mais joyeux de toucher au terme de ses maux, il était arrivé sans défiance jusqu'à la maison. Et là, l'effroi de la servante, quelques mots entrecoupés, lui avait fait deviner un malheur. L'aspect de sa femme et celui d'un homme si semblable à lui l'avaient frappé de stupeur. On lui avait expliqué le reste, et maintenant, il regrettait de n'avoir pas succombé au coup de feu qu'il avait atteint. Tout ce récit portait un caractère de vérité, mais quand l'autre prisonnier fut sommé de s'expliquer à ce sujet, il se renferma dans ses premières réponses, soutint leur exactitude, affirma de nouveau qu'il était le vrai Martin Guerre et que le nouveau arrivé ne pouvait être que cet Arnaud Dutil, cet imposteur habile qui, disait-on, lui ressemblait si fort que les gens du village de Sagias avaient cru le reconnaître en lui. La confrontation des deux Martin Guerre ne changea rien à ses prétentions. Le premier montra la même assurance, le même maintien ferme et hardi. Le second, prenant Dieu et les hommes à témoin de sa sincérité, déplora son malheur dans les termes les plus pathétiques. La perplexité des juges était grande. La situation se compliquait de plus en plus. La question devenait aussi ardue, aussi incertaine que jamais. Les apparences, les indices se combattaient mutuellement. On trouvait des probabilités en faveur de l'un, on éprouvait des sympathies en faveur de l'autre, mais les preuves manquaient toujours. L'un des membres du Parlement, M. de Corras, proposa comme dernière épreuve, avant qu'on appliquât la torture, ce suprême moyen d'instruction des temps barbares, de placer Bertrande au milieu des deux rivaux, se fiant, en pareil cas, disait-il, à l'instinct divinatoire d'une femme pour discerner la vérité. En conséquence, les deux martingères furent amenés dans la chambre du Parlement et quelques instants après, on introduisit Bertrande, pâle, faible, épuisé par ses souffrances et par sa grossesse avancée, épouvant à peine se soutenir. Son aspect inspirait la compassion et tout le monde était attentif à ce qu'elle allait faire. Dès qu'elle eut jeté un regard sur les deux hommes qui se tenaient chacun à l'une des extrémités de la salle, elle se détourna de celui qui était placé le plus près d'elle et alla s'agenouiller en silence devant celui qui avait une jambe de bois. Puis, joignant les mains, comme si elle eût demandé grâce, elle sanglota amèrement. Cette action si simple toucha tous les assistants. Arnaud Dutille pâlit, et l'on crut que Martin Guerre, heureux d'être lavé du soupçon d'imposture par cette reconnaissance publique, allait relever sa femme et l'embrasser. Mais il resta froid et sévère. Madame, lui dit-il d'un ton méprisant. « Cessez de pleurer. Je ne dois point me laisser émouvoir par vos larmes. C'est en vain que vous chercheriez à excuser votre crédulité par l'exemple de mes sœurs et de mon oncle. Une femme a plus de discernement pour connaître un mari, et ce que vous faites à présent en est la preuve. Elle ne se trompe que parce qu'elle aime son erreur. Vous êtes la seule cause du désastre de ma maison. » Je ne l'imputerai jamais qu'à vous seul. » Foudroyée par ces paroles, la pauvre femme ne trouva pas la force d'y répondre et fut emportée chez elle, presque mourante. La dignité du langage de ce mari outragé fut regardée comme une preuve de plus en sa faveur. On plaignit Bertrande, victime d'une imposture hardie, mais tout le monde convint que le vrai Martin Guerre devait parler ainsi. Après que l'épreuve tentée pour la femme eût été renouvelée auprès des sœurs et des autres parents, et que tous, à l'exemple de Bertrande, se furent sentis attirés vers celui qui avait reparu le dernier, la cour, en ayant mûrement délibéré, rendit l'arrêt suivant que nous transcrivons textuellement. Vu le procès fait par le juge de Rieux à Arnaud Dutille, dit Pensette, soi-disant Martin Guerre, prisonnier à la conciergerie, appelant du dit juge, etc., dit, a été que la cour a mis et met l'appellation du dit Dutille et ce dont a été appelé au néant. Et pour punition et réparation de l'imposture, fausseté, supposition de nom et de personne, adultère, rapt, sacrilège, plagiat, larcin et autres cas par le dit Dutille commis, résultant du dit procès, la cour l'a condamné et condamne à faire amende honorable au devant de l'église du lieu d'Artigues, à genoux, en chemise, tête et pieds nus, ayant la hare au col et tenant en ses mains une torche de cire ardente, a demandé pardon à Dieu, au roi et à la justice, audit Martin Guerre et Bertrande de Rolls, mariés, et ce fait sera, le dit Dutille, délivré esmain de l'exécuteur de la haute justice qui lui fera faire les tours par les rues et carrefours accoutumés du dit lieu d'Artigues, et la hare au col la mènera au-devant de la maison du dit Martin Guerre pour, en une potence qui à cet effet y sera dressée, être pendue et étranglée, et après son corps brûlé. Et pour certaines causes et considérations à ce mouvant la cour, elle a adjugé et adjuge les biens du dit Dutille à sa fille procréée de ses œuvres et de la dite de Rolls, sous prétexte de mariage par lui faussement prétendu. Supposant le nom et personne du dit Martin Guerre, et par ce moyen décevant la dite de Rolls, distrait les frais de justice et en ordre a mis, aimé, hors de procès, lesdits Martin Guerre et Bertrande de Rolls. Ensemble, le dit Pierre Guerre, oncle du dit Martin, et a renvoyé et renvoie le dit Arnaud Dutille, audit juge de Rieux, pour faire mettre le présent arrêt à exécution selon sa forme et teneur. Prononcé judiciairement le 12e jour de septembre 1560. D'après cet arrêt, le gibet fut substitué à la décapitation prononcée par le premier juge, vu que cette dernière peine était réservée aux criminels nobles, tandis que le supplice de la potence était infligé à la bourgeoisie. Lorsque son sort fut ainsi fixé, Arnaud Dutille perdit toute son audace. Ramené à Artigues, il fut entendu dans sa prison par le juge de Rieux et confessa fort au long son imposture. Il avoua que la première idée lui en était venue un jour qu'étant de retour du camp de Picardie, plusieurs des amis intimes de Martin Guerre l'avaient pris pour lui. Il s'était alors informé du genre de vie, des habitudes et des relations de cet homme. Puis, ayant trouvé moyen de se glisser près de lui, il l'avait guetté pendant la bataille, et il l'avait vu tomber. Puis, l'ayant emporté, il avait, par les moyens que le lecteur a vus, excité au plus haut point son délire pour recueillir tous ses secrets. Après avoir expliqué son imposture par des causes naturelles qui écartaient l'accusation de magie et de sorcellerie, Arnaud Dutille, touché de repentir, implora la miséricorde de Dieu et se prépara, en chrétien, à subir sa condamnation. Le lendemain, pendant que tout le peuple, affluant des environs et rassemblé devant la grande église d'Artigues, assistait à l'amende honorable du pénitent, qui, les pieds nus, en chemise et tenant à la main une torche allumée, s'agenouillait sur le parvis du temple, une autre scène, non moins douloureuse, se passait dans la maison de Martin Guerre. Épuisé par tant de souffrances qui avaient avancé le terme de sa grossesse, Bertrande était étendue sur son lit de douleur. Elle demandait pardon à celui qu'elle avait innocemment trompé et implorait de lui quelques prières pour le salut de son âme. Martin Guerre, assis près de son chevet, lui tendit la main et la bénit. Elle saisit cette main et y colla ses lèvres. Elle ne pouvait plus articuler une parole. Tout à coup, il se fit un grand bruit au dehors. C'était le condamné qui venait subir sa peine devant la maison de Martin Guerre. Quand on le hissa à la potence, il poussa un cri affreux. Un autre cri lui répondit dans l'intérieur de la maison. Le soir, on brûlait sur le bûcher le cadavre d'un homme et l'on menait en terre sainte les corps d'une femme et d'un enfant. Audite, audite, omnes et ex pane.